Le porte-parole du comité de mesure du problème des anciennes femmes de réconfort au service de l'armée japonaise et des victimes de la réquisition forcée a répondu le 14 juillet aux questions du correspondant de l'Agence télégraphique centrale de Corée à propos du nouvel acte de trahison pro-japonais commis par la bande de Park Geun-hye pour dissimuler le crime de l'esclavage sexuel de l'ancienne armée japonaise. Il a dit: ces jours-ci, la bande de Park Geun-hye a supprimé l'ensemble du budget d'État pour l'enregistrement à l'UNESCO des données du crime de l'esclavage sexuel au service de l'ancienne armée japonaise, et cela cause un grand scandale. Cette témérité est une insulte et un affront insupportable envers les victimes du crime japonais en question, et aussi un acte de trahison intolérable visant à cacher le crime du passé du Japon. À présent, face aux activités énergiques des formations civiles et sociales de divers pays du monde pour l'enregistrement à l'UNESCO des données sur le crime sexuel de l'ancien Japon, à la suite de l'inscription des données sur le carnage à Nanjing de l'ancienne armée japonaise, les réactionnaires japonais se démènent sournoisement pour l'empêcher, en parlant de la possibilité d'interruption urgente de sa cotisation à l'UNESCO et du changement du système d'enregistrement des patrimoines écrits. Proclamer nul le crime d'esclavage sexuel en prenant le parti des manœuvres du Japon contre l'histoire est vraiment une traîtrise avilissante que même tous les gouvernants précédents n'ont pas osé. Mais seul Park Geun-hye, qui a grandi dans une famille servile à l'égard du Japon depuis son père, a commis le forfait et elle payera cher son crime contre la nation. Le comité de mesure du problème des anciennes femmes de réconfort au service de l'armée japonaise et des victimes de la réquisition forcée sera toujours avec le peuple coréen dans la voie juste pour informer largement la communauté internationale des crimes du passé des Japonais et prévenir la récidive.